Don Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de cette soirée du 17 août 2016. En voici la charpente pour commencer. La pénurie de carburant se généralise après Guitéguerre où Iguié Rumong et les longues files d'attente s'observent devant les stations-service en mairie de Bujumbura. Mais le ministère de l'Énergie dit que cet or noir est disponible. Des dignitaires burundais exercent dans le commerce des minerais, surtout de l'or, sous de fausses identités. Et pourtant, la loi l'interdit. Le ministre en charge de l'énergie et des mines n'a pas mâché ses mots hier à l'Assemblée nationale. Il est désormais interdit de mener toute activité dans la réserve de la Roukoko. La mesure a été prise hier au cours d'une réunion de sécurité tenue par le gouverneur de province de Boubanza avec tous les concernés. Et la régie des eaux à Rumonge a coupé l'électricité dans les écoles à internat. Recouvrement forcé oblige. Le directeur de l'école fondamentale de Mouvoné en commune de Wouterere est accusé d'avoir détourné 3 millions de francs burundais. Mais lui ne reconnaît qu'un déficit d'un million de francs burundais. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La pénurie de carburant se remarque à mairie de Bujumbura après Gitegar, Uyigi et Rumonge. De longues files d'attente s'observent sur des stations qui distribuent ce produit. Les habitants demandent que ce secteur soit bien réglementé. Et même s'il s'observe de longues files d'attente sur ces stations-service en mairie de Bujumbura comme ailleurs, le ministère de l'Énergie et des Mines ayant la gestion du carburant dans ses attributions fait savoir qu'il n'y a pas de pénurie de carburant au Burundi. Le problème est que les grossistes, dont les stocks sont en attente d'être approvisionnés, n'acceptent pas d'acheter du carburant à ceux qui en ont pour le distribuer aux détaillants. C'est l'explication donnée par Nolas Kendaïhaye, directeur général au ministère de l'Énergie et des Mines. Il a été joint au téléphone par Marie-Ange Zeyman. En fait, il y a un problème de distribution, tout simplement. Ce n'est pas une pénurie comme telle. Voyez-vous, il y a eu un long week-end de 3 jours au lieu de 2, ce qui fait que l'OBR n'autorise pas le déchargement des produits pendant le week-end. Deuxièmement, il y a une mauvaise pratique, comme quoi l'importateur qui n'a pas ses propres produits ne veut pas acheter chez son collègue qui en a à Bujumbura, dans les entrepôts. C'est une pratique que nous voulons faire valoir au maximum, parce que ce n'est pas dit que chacun doit avoir ses propres produits à tout moment. Donc, nous avons fait une réunion et nous voulons leur imposer le principe d'acheter les produits là où il y en a. Il y a certains qui ont déjà fait la commande auprès d'Interpétrole pour approvisionner leur propre station-service. Vous tranquillisez la population de la mairie de Bujumbura, donc ils ne seront plus obligés de faire de longues files d'attente d'ici aujourd'hui ou demain. Oui, absolument, absolument. Nous avons les contacts avec les importateurs, avec les gestionnaires des stations. Au plus tard, aujourd'hui soir, la situation se sera renormalisée. On parle du manque de carburant à mairie de Bujumbura, mais également à l'intérieur du pays. On l'a soulevé à Luyigi, à Gitega. Hier, le litre s'achetait à 10 000 francs sur le marché noir. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une honte quand un litre de carburant s'achète à 10 000 francs burundais? Oui, effectivement, c'est vraiment déplorable, c'est lamentable qu'un litre d'essence de produits pétroliers puisse s'acheter à un prix si élevé. Mais c'est une spéculation, c'est un vol de la population. Nous avons adressé officiellement une correspondance au ministre de l'Intérieur pour qu'il instruise les gouverneurs des provinces pour mettre à notre disposition une unité au sein du cabinet gouverneur, quitte à ce qu'on puisse communiquer régulièrement sur la situation dans chaque province. Et nous allons travailler avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse suivre de près ce mouvement. Et une fois qu'un individu est attrapé, il devra nous indiquer d'où il s'est approvisionné et la station service sera automatiquement fermée et l'individu puni selon la loi. Nolas Kandaihaye, directeur général au ministère de l'Énergie et des Mines. Le manque de devises et la fermeture des bureaux de change, c'est une question qui devrait être analysée en profondeur parce qu'il compromet le climat des affaires économiques. C'est le point de vue de Faustin Dikoumana, il représente l'association Parsem. Il exhorte le gouvernement à mener un dialogue sincère avec les bureaux de change et les banques commerciales afin de prendre des solutions adéquates. Suivez Faustin Dikoumana. Les besoins à l'importation du Burundi sont estimés même à plus de 900 millions de dollars avec une capacité d'exportation de moins de 200 millions. Ça veut dire qu'il faut mobiliser au moins 700 millions de dollars pour importer, sans oublier d'autres besoins comme les soins de santé à l'étranger, l'entretien par exemple des ambassades à l'étranger, les cotisations gouvernementales dans les organisations internationales. Il y a beaucoup de besoins en devises qui sont là et qui doivent être couvert. C'est la Banque centrale, à travers les appuis budgétaires des bailleurs de fonds, qui alimentaient régulièrement les bailleurs commerciaux. Et les bureaux de change aussi, ils trouvaient leur compte parce qu'ils essayaient de mobiliser d'autres sources en devises à travers le marché, je dirais parallèle, parce que les besoins des devises ne doivent pas être couverts par la Banque centrale. Quand dans tous les pays, le gouvernement durcit au niveau du contrôle, surtout dans les sphères économiques, la clandestinité et les marchés parallèles florissent. Plutôt, on avait même créé les bureaux de change pour essayer de rapprocher le taux officiel de la Banque centrale et le taux des bureaux de change pour qu'il y ait un rapprochement. Nous exhortons alors au gouvernement de continuer à faire un dialogue sincère avec les bureaux de change, avec les banques commerciales, pour que cette question puisse être traitée avec profondeur, afin de prendre des solutions rationnelles. Très dernièrement, la Banque centrale avait l'habitude de sortir trimestriellement une lettre de politique monétaire, où, dans la transparence, on établissait toutes les données liées aux réserves en devises, la situation monétaire, la situation des banques, les réserves en devises, les réserves de change. Mais maintenant, cette pratique ne se fait plus. Nous demandons à la Banque centrale, dans le meilleur délai, de nous inviter encore une fois pour publier cette lettre de politique monétaire. Faustin Ndikoumana, qui représente l'association Parsem. Et certains dignitaires de l'État opèrent illégalement dans le commerce des minerais, surtout de l'or. Affirmation faite ce mardi par des députés à l'Assemblée nationale lors de l'amendement et adoption du projet de loi portant modification de la loi sur le code minier au Burundi. Ceux qui sont impliqués dans le commerce travaillent sous le nom de leurs enfants ou conjoints. C'est au moment où différentes catégories de dignitaires ne sont pas permis d'opérer dans ce secteur, comme l'indique le ministre de l'Énergie et des Mines, Léonce Vitalio. Le code minier du Burundi interdit notamment aux fonctionnaires de l'État, les magistrats, les parlementaires, de se lancer dans le commerce des minerais. Le ministre Koman Irakiza, en charge de l'énergie et mines, se réfère à l'article 92 portant code minier. L'article 92 interdit notamment aux honorables députés et sénateurs d'être impliqués dans ce secteur. C'est aussi le cas des fonctionnaires de l'État, des magistrats, etc. Vraiment, s'il y a un an au gouvernement, ça devient difficile, car c'est lui qui devrait assurer le suivi et c'est lui-là même qui fait que le travail ne respecte plus la loi. Opérer dans le secteur minier, parallèlement à l'exercice des fonctions de l'État, soutient le ministre, rend difficile le suivi des activités. Mais curieusement, que certains dignitaires publics pratiquent le commerce dans ce secteur, cela est une réalité selon les députés de l'Assemblée nationale. L'on constate que ces gens contournent cet article et ils attribuent ce commerce à leurs enfants ou à leurs conjoints. Ne sont-ils pas concernés par ce code ? Le ministre Manirakiza ne nie pas les faits. Il demande aux députés de pointer du doigt ceux qui sont impliqués dans ce commerce, mais affirme ne pas avoir une réponse claire à ce point. Je n'ai pas de réponse précise à cette question. Les gens passent par plusieurs voies. Ces personnes savent que ce serait un problème s'ils advenaient qu'un loi les attrape un jour et préfèrent travailler sous un autre nom. Ça existe et on vous demande à votre tour de nous aider en les pointant du doigt. Le commerce minier qui a beaucoup retenu l'attention des députés est celui de l'or. Les chiffres montrent que la quantité exportée légalement a fortement diminué d'année en année. Entre 2013 et 2015, les quantités exportées enregistrées ont été respectivement de 2800 kg, 650 et 600 kg. Léonce Vitalio, ce journal se poursuit après cette courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. Droit de l'homme à présent. Certaines personnes se font passer pour des agents du Service national de renseignement pour rançonner des gens après les avoir malmenés. Le ministre des Droits de l'homme a reconnu ces faits. C'était au cours d'un point de presse ce mercredi. Martin Nivziabandi recommande aux victimes de ce genre d'escroquerie de se confier au département en charge des droits de l'homme dans son ministère. Suivez. On se dit, voilà, au niveau du Service national de renseignement, on détient les gens, on est en train de le torturer. Ici, je voudrais vous informer que nous avons remarqué qu'il y a pas mal de gens maintenant, des groupes de gens qui se transforment en agents du service de renseignement pour extorquer de l'argent. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans un coin, vous commencez à le battre, et les gens devraient être plus vigilants. Vous les trouvez avec des badges sur lesquels est mentionné documentation. Pour vous informer aussi qu'il n'y a pas de service qui s'appelle documentation dans notre pays. Heureusement, en collaboration avec les différents services de sécurité, on est en train de démanteler ce genre de cas. Les problèmes de violation des droits de l'homme que nous connaissons dans notre pays, ce sont des problèmes qui sont communs à toutes les nations pour le moment. Ce que nous avons demandé dans les différents forats auxquels nous participons, c'est de demander que l'humanité conjugue les efforts pour juguler ce genre de cas. Martin Lizavandi, ministre en charge des droits de l'homme. Les ménages de deux hommes partisans du parti politique FNL, Elde Gaton-Gouassa, ont fait l'objet d'une fouille et perquisition dans la matinée de ce mercredi dans la zone Boutézi, commune Guiharo, province Routana. Ces deux hommes, qui sont des frères, sont soupçonnés de détenir des armes et de former des combattants. Ces deux frères ont été par après amenés à la brigade pour plus d'investigations. Mais lors de cette fouille perquisition, rien n'a été trouvé, excepté des cahiers qui ont été confisqués. Les informations provenant de cette localité disent que ces hommes sont en train de subir des harcèlements suite à leur appartenance politique. Mais entre-temps, ils ont été relâchés. Et la police continue à opérer des rafles des commerçants ambulants à Mairie de Bujumbura. Il s'agit d'empêcher ce genre de commerce que le gouvernement qualifie d'illégal. Selon la police, la seule condition pour qu'ils continuent leur commerce est que ces commerçants se fassent enregistrer à la commune où ils devront exercer et payer des taxes. Et le ministère du Commerce reconnaît qu'il existe une loi régissant le commerce ambulant, mais que certains de ces commerçants n'en sont pas au courant. La mesure prise de les arrêter dans les différentes rues de la capitale doit aussi les inciter à chercher des places dans des marchés pour qu'ils puissent aussi payer des taxes. Sébastien Zimana, directeur général au ministère du Commerce, indique que les ministères concernés doivent sensibiliser ces commerçants ambulants sur le bien fondé de quitter les rues de la capitale en attendant que la loi soit mise en application. Le commerce ambulant régi par le code de commerce dit que tout commerçant ambulant doit se faire enregistrer dans les communes. C'est dans ce sens où on doit quand même sensibiliser ces commerçants ambulants de s'enregistrer dans les communes pour les motifs suivants, notamment la propriété de la ville ainsi que la sécurité du pays aussi. C'est pourquoi on doit quand même suggérer de travailler dans les marchés qui sont connus ainsi que pour le paiement des taxes. Est-ce qu'ils sont déjà enregistrés ou bien ils ne savent pas ce qu'il faut faire réellement? Souvent, ils savent qu'il faut s'enregistrer, les autres sont exclus. C'est pourquoi on a donné des délais pour qu'on puisse quitter l'informel et parler dans le formel. En attendant que la loi soit mise en application, est-ce que la mesure prise de les arrêter, c'est la meilleure solution? C'est une mesure qui est prise en collaboration avec l'administration. Je pense que pas continuer à sensibiliser ces commerçants ambulants à travers le ministère de la Sécurité publique, ainsi que le ministère de l'Intérieur, ainsi que notre ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, pour faire montrer le bienfait de faire le commerce dans les marchés qui sont connus. Sébastien Zimana, directeur général du commerce, au téléphone avec Francine Dihokugayo. Aucune personne n'est autorisée à entrer dans la réserve naturelle de la Rukoko. Même les employés de la société Tanganyika Business Company, qui a cultivé la canne à sucre dans cette réserve, doivent quitter les lieux à partir de ce mercredi. Ce sont des mesures de sécurité prises ce mardi dans l'après-midi lors d'une réunion de sécurité tenue par le gouverneur de la province de Bubanza avec la population de la commune Gianga et les forces de l'ordre. Une réunion tenue après des attaques successives perpétrées dans cette même commune sur la route Bujumbura-Chibitoke. Spécialiptas Kavanyana pour plus de détails. Depuis ce mercredi, le 17 août, aucune personne n'est autorisée à entrer dans la réserve naturelle de la Rukoko, sauf les militaires. Et même le personnel de la société Tanganyika Business Company, qui a cultivé les cannes à sucre dans cette réserve, doivent vider les lieux et, si nécessaire, être remplacés. Aucune vache ne peut non plus entrer dans la Rukoko, sinon une amende de 200 000 francs burundais par tête a été fixée par l'administration communale de Gihanga. Ce sont des mesures de sécurité prises lors d'une réunion de sécurité tenue par le gouverneur de la province de Bubanza envers la population, les administratifs et les forces de l'ordre. C'était dans l'après-midi de ce mardi dans les enceintes du lycée Bulinga. Des charbonniers, des gens cherchent le bois de chauffage, des cultivateurs qui se sont taillés des repins de terre dans la Rukoko et le personnel de la société Tanganyika Business Company qu'il y a des plantations de canne à sucre dans cette réserve concernées par ces mesures sont accusés de collaborer et de complicité avec les groupes armés qui font des navettes entre la République démocratique du Congo et le Burundi, passant par la réserve naturelle de la Rukoko. Ces mesures ont été prises après des attaques successives en commune Gihanga sur la RN5, la route Bujumbura-Rugombo, où les passagers sont kidnappés, les biens et les marchandises pillés et les véhicules tués. Éducation à présent. Certains parents d'élèves de l'école fondamentale Mouboné de la zone Wouterere en mairie de Bujumbura dénoncent un détournement de frais de fonctionnement par la direction de cette école. Dans une correspondance adressée au directeur provincial de l'enseignement, ils font savoir qu'une somme de plus de 3 millions de francs burundais a été détournée. Mais le directeur de cette école ne reconnaît qu'un déficit d'un million de francs burundais. Placide Niyomwongere. D'après cette correspondance adressée au directeur d'enseignement provincial en mairie de Bujumbura le 8 août 2016, ses parents affirment qu'à partir du 4 décembre 2015, à nos jours, le directeur de cette école Fomouwone a déjà retiré sur le compte de l'école une somme allant de 3 660 000 francs bou. Ses parents précisent qu'une partie de cette somme est détournée, découle des frais de fonctionnement octroyés à chaque école par le gouvernement et une autre des cotisations de ses parents. D'après leur témoignage, dernièrement, ils ont contribué une somme de 410 000 francs bou pour la construction de latrines scolaires et une somme de 650 000 francs bou destinée à l'achat des manuels scolaires de l'école fondamentale. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun acte ne témoigne l'usage de ces fonds sur cette école, ajoutait-il. Ses parents accusent également le directeur de cette école de faire signer au président du comité de gestion de cette école des chèques en blanc pour les remplir par après. Fiacre Sindaïguanya, le directeur de cette école, dit qu'il y a des frais à demander à son prédécesseur, dont ceux des latrines, et que les manuels scolaires des classes fondamentales ont été achetés. Il reconnaît qu'il a fait signer des chèques en blanc et qu'il compte les rembourser. À toutes ces allégations, le président du comité de gestion de cette école, Antoine Nibamamate, ne reconnaît pas les parasignataires, mais fait savoir qu'une commission de 4 personnes a été mise en place pour mener des enquêtes relatives et demande enfin au directeur provincial d'enseignement de se rendre à cette école pour s'enquérir de la situation avant de prendre en considération cette correspondance. Merci Placide. La régie des eaux à Rumonge a repris son recouvrement forcé dans les écoles secondaires depuis ce mardi. Certains directeurs déjà concernés par la coupure du courant contacté demandent qu'un dialogue entre leur ministère et celui de l'énergie et des mines soit enclenché dans l'immédiat afin de sauver ce qui reste à sauver. Jean-Pierre Misago. Depuis le matin de ce mardi, ce sont 7 écoles secondaires et fondamentales de la ville de Rumonge qui ont vu leur fourniture en électricité coupée par la régie de distribution de l'eau et de l'électricité, régie des eaux. Jean Bosco Azarimana, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit que c'est une campagne en cours visant le recouvrement forcé sur les impayés de l'eau et de l'électricité consommés à ces écoles. Nyandwi Anissé, directeur du lycée Rumonge, une des écoles déjà affectées par la mesure, dit qu'il sera désormais impossible de confectionner des rapports à l'ordinateur ou consulter les dossiers y conservés en l'absence du courant électrique. Pour lui, le courant électrique devrait être rétabli dans les meilleurs délais pour ne pas perturber le travail à l'ordinateur. Et pendant ce temps, poursuit-il, les ministères concernés se pencheraient sur la question. La régie des eaux avait débuté cette campagne fin juillet dernier et avait dû la suspendre pour ne pas perturber la préparation et la passation de l'examen d'État édition 2016. Les informations provenant à la régie des eaux centre, les informations provenant de la régie des eaux centre Rumonge indiquent que le lycée Rumonge doit à lui seul plus de 121 millions de francs burundais pour ses impayés en eau et en électricité consommée. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. Merci Jean-Pierre Misago. C'est sur cette correspondance que nous refermons ce journal. Mise en onde par François Akimana. La présentation, vous étiez avec Jean-Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de notre programme.